L'air que je me donne ne plaira à personne, mais je fais comme. L'air que je m'inspire me fait craindre le pire pour en finir. L'air qui nous menace à décimer les races. Ne rien que j'entends plus très bien, c'est si long.